Wesh, le rush l'enfoiré, ça fait la moula de baiser. Je lui passe le gramme de coke, elle apprend comme un fraisier. Je me trempe les pieds dans l'eau, pétasse, t'as pas mis assez d'huile. On va tous faire des lots, vos fêtes, je m'envole à minuit. On te l'a fait à la Kanye West. Enfant de putain, nous c'est le Brésil, jamais le West Ham. En chien, je t'envoie ton western. Avant le plafond, ça reste calme. Espagne, gros missile qui passe dans le bolide, laisse place. Eh, hey, 9-2-3-9-0, y'a la moula qui va avec. En direct, Anderlecht, Scarbeck, Molenbeek. Je traîne avec Mani, l'aiguille, Bandis et Bec. Fume la veuve des bouts en train de campagne l'évêque. En balle, ça vend la peu, gueux au poste, faut pas que tu bais. Gay, tu peux me croiser un peu, Guy ou gros merco quitté. Frais, vol de cannabis, on te canassise. Filtré paralyse, gros boucan de dingue, poteau de cananis. Wesh, le rush l'enfoiré, ça fait la moula de baiser. Je lui passe le gramme de coke, elle apprend comme un fraisier. Je me trempe les pieds dans l'eau, pétasse, t'as pas mis assez d'huile. On va tous mettre des lots, vos fêtes, je m'envole à minuit. Sur une chaise roulante, j'ai fait des shows comme Touches. C'est quand j'ai pris la valise, tu prends des nouvelles. J'ai jeté mes anciens photos à la poubelle. Je fais de l'oseille, mais j'ai pas les pouvoirs de Bruce Wayne. Photo, ça vient d'où, je te bloque, t'es chelou, tu rends fou. Juste pour un seul doux, pété, je finis la bouteille. What you gonna do, what you gonna do, je me la couche. J'ai quitté la tour, pété, je finis la bouteille. On fait la moula hyper vite. Tu vas recevoir ton Uber shit. Je me régale comme Van Persie. J'ai déjà percé, je vous dis merde. What you mal, je crois bien que je suis malade. Je ralentis le shit, j'accélère la salade. Respecte les frères millionnaires, ceux qui font la salade. Dans ce milieu, je me balade. Je m'en bats les couilles comme président du Mexique. Elle a le boule qui m'excite, mais la beuh et tu mets shit. Je m'en bats les couilles comme président du Mexique. Elle a le boule qui m'excite, je mets la beuh et tu mets shit. Le reste l'enfoiré, ça fait la moula de baiser. Je lui passe le gramme de coke, elle apprend comme un fraisier. Je me trempe les pieds dans l'eau, pétasse, t'as pas mis assez d'huile. On va tous mettre des lots, vos fêtes, je m'envole à minuit. Sur une chaise roulante, j'ai fait des shows comme Touches. C'est quand j'ai pris la valise, tu prends des nouvelles. J'ai jeté mes anciens photos à la poubelle. J'fais de l'oseille, mais j'ai pas les pouvoirs de Bruce Wayne. Photo, ça vient d'où, j'te bloque, t'es chelou, tu rends fou. Juste pour un seul doux, pété, j'finis la bouteille. What you gonna do, what you gonna do. J'me la couche, j'ai quitté la tour, pété, j'finis la bouteille.